Agro J'écoute, ça commence maintenant. L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène. On va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides. Il faut réapprendre, il faut oublier pour apprendre autre chose, parce que des fois, là, on se trompe. Cide, ça veut dire que ça tue. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Il est vivant, libre, sauvage, parfois timide ou pétillant. Une chose est sûre, il est toujours surprenant. Aujourd'hui, le vin nature sort de sa cachette pour nous dévoiler ses secrets. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Agro J'écoute. Nous sommes trois étudiantes agronomes à l'école d'ingénieurs de Purpan, ravies de vous emmener dans un voyage atypique à la découverte du vin nature. Vous entendrez au cours de cette émission, sortant directement de la bouteille, la pétillante Cyrielle Givry, bonjour, la spontanée Sarah Desponses, bonjour, et moi-même, l'experte sauvage Mathilde Carterie. Merci Mathilde pour cette belle introduction. Dans cette émission, nous allons explorer les différentes facettes du vin nature à travers un voyage gustatif et étonnant. Mais pourquoi ce vin séduit et suscite à la fois tant de controverses? Qu'en est-il vraiment? Pour vous permettre de comprendre les spécificités de ce vin, nous parlerons de ses caractéristiques, de son histoire et de son élaboration. Puis, nous vous réservons en deuxième partie une surprise qui vous réveillera tous vos sens et qui vous mettra en alerte sur les défauts qu'on peut lui reprocher. Vous qui nous écoutez, vous devez naturellement vous demander ce qu'est le vin nature. Nous allons tenter d'y répondre le mieux possible dans cette première partie de l'émission, car ce n'est pas une question facile. En effet, comme le vin nature se veut libre et évolutif, il est difficile de lui donner une définition figée. On peut déjà le voir avec tous les noms qu'on lui donne comme vin naturel, vin vivant, vin nu, vin pur jus. Dans tous les cas, vous pourrez entendre partout qu'il s'agit d'un vin sans intrants chimiques, vinifié artisanalement par des vignerons respectueux de leurs vignes et de leur sol. Tout d'abord, il nous semble important de revenir aux origines de ce vin nu. Tout à fait. Cela vous surprendra peut-être, mais le vin nature existe depuis au moins 7000 ans et aurait comme berceau la Géorgie. Pour rappel, c'est un pays situé au nord de l'Arménie et de la Turquie et qui est bordé par la mer Noire. Dans cette région du monde, on retrouve un très ancien patrimoine viticole. Cependant, la Géorgie est le seul pays où la vigne n'a jamais arrêté d'être cultivée, et ce, malgré les nombreuses oppressions qu'elle a subies au cours de l'histoire, notamment par les Ottomans. Ils arrachaient brutalement la vigne en croyant que c'était d'elle que les Géorgiens trouvaient leur force et leur résistance. Ensuite, il y a eu les invasions russes et l'ère communiste, mais les habitants se sont toujours accrochés à leur vin avec ses 525 cépages indigènes. Ils n'ont également pas cessé d'utiliser le kevri, une sorte de jarre en terre cuite plus connue sous le nom d'amphore. Elles sont en général d'une contenance de 400 litres, soit l'équivalent de 3 baignoires remplies à ras-bord. Les Géorgiens laissent fermenter le raisin dans ces jarres pendant plusieurs mois. L'idée, c'est qu'il s'y sente comme chez lui, car il est entouré d'éléments argileux, comme dans les vignes. Le raisin est a priori dans les conditions optimales pour devenir un vin rouge, blanc ou orange, ce dernier type étant la grande spécialité des vins géorgiens. Aujourd'hui, la Géorgie s'ouvre au monde et la question reste de savoir si les vignerons naturels vont préserver leur savoir-faire face aux entreprises qui critiquent leur vin dit « à l'ancienne » et leur proposent de replanter des cépages français et d'ajouter d'autres éléments dans leur vin tels que du sucre, des acides ou encore du soufre. Si on se tourne maintenant vers l'histoire du vin nature en France et dans d'autres pays d'Europe, elle est beaucoup plus récente. Il est important de rappeler qu'au XIXe siècle, 12 millions d'hectares du vignoble français ont été détruits par le phylloxéra, une maladie transmise par un puceron ravageur. On a replanté des vignes, mais de nombreux cépages ont disparu. En effet, dans le monde, on aurait près de 10 000 cépages pour faire du vin, mais on n'en cultive principalement qu'une vingtaine, tels que le Merlot, le Cabernet Sauvignon, la Syrah, le Chardonnay. De plus, cette restructuration du vignoble a été accompagnée d'une évolution dans les méthodes de production permettant plus de sécurité. Apport d'intrants chimiques dans la vigne pour prévenir des maladies et ravageurs. Et à la cave, on utilise des procédés plus industrialisés pour s'assurer d'avoir un vin commercialisable. Mais la qualité est parfois laissée de côté. Heureusement, certains vignerons ont réussi à résister à cette évolution et ont protégé leur savoir-faire. Et c'est en 1950 qu'est apparu le mouvement des vins nature en France, dans la région du Beaujolais, avec Jules Chauvet. C'est un dégustateur et chimiste qu'on considère aujourd'hui comme le papa des vins nature, car il s'est intéressé scientifiquement à ses caractéristiques gustatives. Il est également important de mentionner la journaliste new-yorkaise Alice Fehring, qui au milieu des années 2000 a publié de nombreux articles sur les vins nature et donc a participé à leur reconnaissance internationale. Elle les a beaucoup comparés aux vins californiens, puis aux vins conventionnels qu'elle qualifiait de surboisés, surmanipulés, en raison de l'utilisation des nouvelles technologies qui s'éloignent des pratiques traditionnelles. Dans ses démarches, elle s'est vite opposée au célèbre dégustateur Robert Parker, qui publie des guides de vins en les notant sur 100. Pour elle, ces méthodes de notation tendent à uniformiser les vins, car les vignerons se limitent à obtenir une bonne note plutôt qu'à produire des vins originaux. Alice Fehring a retracé ce combat dans le livre « La bataille du vin et de l'amour » ou « Comment j'ai sauvé le monde de la parkérisation » paru en 2010. Aujourd'hui, elle continue de promouvoir le vin nature par la publication d'articles, de livres ou à travers des conférences. Certains vignerons la surnomment « la diva américaine du vin naturel » ou encore « la sorcière du vin industriel ». Au choix. C'est important pour un vin peu connu et même peu reconnu d'être défendu par des figures comme Alice. Oui, surtout que c'est depuis ces 20 dernières années que le mouvement des vins nature croît considérablement. D'abord au niveau de la vigne, on cherche à créer de la diversité en remettant au goût du jour des cépages ancestraux, comme en France avec le Mosaque, le Côte, la Négrette, le Prunelard. Ensuite, côté cave, on s'intéresse depuis quelques années à retourner à la vinification traditionnelle. Plusieurs entreprises se sont mises à fabriquer des amphores sur le modèle du Kevri, dont on trouve des fabricants importants en Italie et au Texas. Ensuite, et enfin, au niveau commercial, le vin nature est de plus en plus présent sur la carte des restaurants et chez les cavistes. Il faut savoir que la France est l'un des plus grands consommateurs de vin en Europe. Un Français consomme en moyenne 43 litres de vin par an, ce qui équivaut à près de 57 bouteilles. C'est vrai qu'on aime bien ça. Attention tout de même à en consommer avec modération. Et pour ce qui est du vin nature, la France serait le premier producteur et consommateur mondial, bien qu'il soit difficile de savoir le nombre de vignerons exacts travaillant avec ces méthodes. Il représenterait entre 1 à 3% de la production nationale. C'est un vrai marché de niche qui est tout à fait en accord avec les prises de conscience actuelles sur le bien manger, mais aussi sur le bien boire. On espère que ce petit voyage dans le temps et dans l'espace vous auront permis de mieux comprendre d'où vient le vin nature et quelle place il occupe dans le monde. On espère surtout vous avoir donné envie d'en savoir plus. Mais avant de poursuivre notre périple autour des caractéristiques de ce vin, nous vous proposons de vous remettre un peu dans l'ambiance en écoutant un extrait de Red Red Wine du groupe UB40. A tout de suite. It's up to you. C'était un court extrait du célèbre morceau Red Red Wine, enregistré en 1983 par le groupe britannique de reggae UB40, issu de l'album Labor of Love. Maintenant, Sarah, pourrais-tu nous expliquer un peu plus les caractéristiques du vin nature et son élaboration ? Oui, tout à fait. Alors, l'une des caractéristiques principales de ces vins, c'est l'utilisation des levures indigènes pour l'élaboration du vin. Ces levures sont présentes naturellement sur la peau du raisin. Elles sont aussi variées que le permettent les conditions du milieu, d'où l'intérêt d'avoir des pratiques biologiques. Aujourd'hui, plus de 300 variétés de levures sont répertoriées. Et attention, quand on parle de levures, on parle de micro-organismes 100 fois plus petits qu'un grain de sable. Ainsi, on parle de fermentation spontanée pour faire du vin nature, car on laisse uniquement travailler ces levures-là. Aucune autre levure n'est donc ajoutée. Elles interviennent lors de la fermentation alcoolique en transformant les sucres en alcool et en permettant l'extraction des arômes. Il faut 16 g à 18 g de sucre aux levures pour produire 1 centilitre d'alcool pur. En parlant d'alcool, je me souviens du salon de dégustation des vins nature à Toulouse où nous étions allés ensemble. On avait goûté pas mal de vins différents et j'avoue que j'ai été très surprise de ne pas avoir mal à la tête le lendemain matin. Fraîche comme un gardon. Mais dis-moi Mathilde, comment est-ce possible ? Tout simplement parce qu'il y a très peu de résidus de produits phytosanitaires et encore moins de sulfites dans le vin nature. On l'appelle aussi gaz sulfureux, dioxyde de soufre ou encore SO2. C'est cette molécule qui empêcherait la digestion de l'alcool chez l'humain et qui provoquerait ses migraines. Cependant, ne soyez pas étonnés que sur toutes les étiquettes de bouteilles de vin, on retrouve l'inscription « contient des sulfites », même pour les vins nature ou des vins qu'on appelle « sans sulfite ajouté ». Lors de la fermentation alcoolique, les levures en produisent naturellement. Par contre, il existe une réglementation qui limite la quantité de soufre qu'un vin peut contenir. Pour le vin nature, il est uniquement possible d'en ajouter à la fin du processus pour ajuster le vin dans la limite des 30 mg par litre, soit environ 5 fois moins que les vins conventionnels et 3 fois moins que dans un vin bio. Il est important de préciser que le soufre joue un rôle de conservateur, puisqu'il protège le vin de certaines levures et bactéries indésirées responsables de son oxydation. Ces levures sont notamment à l'origine du goût de vinaigre qu'on peut parfois avoir en débouchant une vieille bouteille. Cependant, les vignerons qui font du vin nature prennent le risque. Ils veulent avoir confiance en leur vin. Ils veulent créer les vins les plus sincères possibles. C'est un réel challenge, mais aussi une fierté et un plaisir pour eux, car finalement, sans soufre, les levures indigènes sont libres d'exprimer les arômes qu'elles veulent et on a parfois de délicieuses surprises. Mais du coup, comment font les autres types de vins pour avoir des arômes ? Pour les vins conventionnels ou bio, à la place des levures indigènes, les vignerons font le choix d'ajouter leurs propres levures sélectionnées à l'avance en fonction des arômes souhaités. Cela permet en quelque sorte d'assurer la qualité de leur vin et de pouvoir mieux prévoir quel goût il aura. C'est vraiment une autre technique de vinification, ni meilleure ni moins bien que celle des vins nature, juste différente en fonction de ce que le vigneron veut faire. Et alors les vins biodynamiques, tu peux nous en dire un peu plus, Cyrielle ? Bien sûr. Mais alors tout d'abord, il faut savoir que la biodynamie est l'un des courants fondateurs de l'agriculture biologique. Les systèmes de production biodynamique se basent sur le calendrier lunaire, la position des constellations et utilisent des préparations à base de plantes, de minéraux et d'autres éléments d'origine naturelle. Le but, c'est de favoriser la vitalité des cultures et de maintenir l'équilibre des écosystèmes. L'une des préparations de base est celle de la bouse de corne, aussi appelée préparation 500. La bouse de corne est obtenue en laissant fermenter sous terre de la bouse introduite dans des cornes de vache pendant toute une période hivernale. Diluée dans une importante quantité d'eau, la préparation 500 est ensuite pulvérisée dans les vignes, en général 2 fois par an, au printemps et en automne. Elle permettrait d'améliorer la structure du sol, de favoriser l'activité microbienne, la formation d'humus et aussi de stimuler la croissance du système racinaire des plantes. Donc un vin biodynamique est tout simplement un vin qui intègre ce type de pratique lors de la période de production. Ok, ben c'est super intéressant, je vois que tu en es une experte. Mais alors la véritable question que l'on peut se poser, c'est concrètement, qu'est-ce qui distingue un vin nature d'un vin bio ou d'un vin en biodynamie ? De manière plus générale, on pourrait dire qu'en production de vins nature, les vignerons essaient de combiner les méthodes des vins bio et biodynamiques, mais en cherchant à aller plus loin. Les règles de la viticulture biologique sont appliquées, ni pesticides, ni engrais chimiques, et des pratiques biodynamiques peuvent être ajoutées. Ensuite, les vendanges doivent obligatoirement être faites de manière manuelle. Par la suite, c'est au niveau du travail en cave que se fait la principale différence, car les vignerons en nature font le choix de ne rien ajouter au jus de raisin, ou du moins le strict minimum. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire un vin pur jus. Donc sur la bouteille d'un vin nature, on peut voir apparaître un label bio et aussi un label biodynamie, que l'on connaît plutôt sous les noms de Déméter ou biodivin. Et d'ailleurs, le label nature, Cyril, tu nous en parles ? Il vient justement d'être créé cette année, en mars 2020. Le label s'appelle Vin Méthode Nature. Il permet de protéger la qualité du vin et de faciliter la communication auprès des consommateurs. Ah, il était temps qu'un label arrive. Déjà qu'il n'y avait pas de définition réglementaire, il était facile de s'y perdre, car n'importe quel vigneron pouvait se revendiquer nature et profiter ainsi de cette image marketing. Alors oui, le vin nature se veut le plus libre possible, mais il était urgent de lui trouver un cadre. Tout à fait. Donc dans cette charte d'engagement, on retrouve 12 principes, comme par exemple l'interdiction d'utiliser des intrants, d'ajouter des sulfites, sauf en cas d'ajustement, ou encore que 100% des raisins sont issus de l'agriculture biologique, engagée et certifiée. Si vous souhaitez avoir plus de détails, nous vous invitons à lire la charte du label sur le site du syndicat de défense des vins nature. Et saviez-vous que cette charte propose aussi des procédures de contrôle ? Oui, les adhérents devront produire des analyses attestant de la teneur en soufre après mise en bouteille et chaque année, trois domaines seront contrôlés aléatoirement sur la traçabilité et la teneur en soufre. Donc si la cuvée est validée par l'organisme certificateur, les vignerons pourront mettre le logo du label Vin et Méthode Nature sur leurs étiquettes. Cela permettra de contrôler et de sanctionner aussi les fraudes ou éventuelles tromperies aux consommateurs. Et même s'il est récent, savez-vous combien il y a d'adhérents aujourd'hui ? Oui, il y a une cinquantaine de vignerons adhérents. Mais le syndicat de défense des vins nature espère en avoir 500 d'ici 5 ans. De plus, on compte environ 70 cuvées du millésime 2019 qui seraient déjà en voie de certification. Ça veut dire que très prochainement, on verra apparaître ce logo noir et blanc sur l'étiquette de nos bouteilles. D'ailleurs, on s'en ouvrirait pas une ? Un peu de patience, les filles. Dans cette première partie, vous avez découvert les origines et les spécificités de ce vin nu, mais aussi la nécessité de le protéger grâce à un label. Peut-être commencez-vous à avoir soif, parce que nous, c'est le cas. Aussi, nous vous réservons une petite surprise après une courte pause musicale avec un morceau artisanal inédit. À tout de suite. Elles étaient quatre, un lendemain de cuite, prêtes à se battre, à prendre la fuite et leur rêve élégant s'arrêter à ce restaurant de la mozza. En premier plan, des spaghettis, seconde il piatti, et pour finir un ristretto. Elles s'échappèrent sans payer le cuistot, reprirent la route, nos belles sauvages, des dilettantes du paysage et leur rêve élégant s'arrêter à la mer quelque temps. Face aux vagues, elles sont libres. Face au roi, elles peuvent vivre loin du cœur, près des mots doux. Les erreurs, on s'en fout. Loin des lois, près de l'horizon, vint l'heure des canons. 2 heures du mat, elles ont dansé. 4 heures du mat, elles se sont baignées. Nos rebelles dorées, toutes nues, se mirent à briller. Un décollage à leur façon, de grands nuages comme paillassons. Car soudain, elles s'envolèrent pour vivre une vie en l'air. Car soudain, elles s'envolèrent pour vivre une vie légère. C'était les Belles Sauvages, interprétées par les Dilettantes et composées par Mathilda pendant le premier confinement. Vous êtes toujours dans l'émission Agro J'écoute et vous écoutez trois étudiantes de l'école d'ingénieurs de Purpan vous parler des vins nature. Dans la première partie de l'émission, nous avons levé le voile sur les mystères qui tournent autour de ce vin. On vous propose à présent de passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu nous as ramené de bon, Mathilde ? Alors, nous allons déguster en direct l'un des premiers vins nature que j'ai goûté et aimé. Il s'agit de Java. C'est un vin blanc sec et aromatique provenant de la cave apicole de deux vignerons situés près de Perpignan. D'ailleurs, ils ont participé au documentaire Wine Calling, réalisé en 2018 par Bruno Sauvard, qui parle d'un collectif de vignerons du Sud-Ouest. On vous conseille vivement de le regarder. Bon, on se la débouche ? Allez ! Santé. Santé les filles. Waouh, il est un peu trouble, c'est marrant. Oui, c'est parfois le cas des vins nature. Et au nez, est-ce que ça vous plaît? J'ai l'impression de sentir une pêche mûre et sa couleur dorée me rappelle le soleil chaud d'été. Je suis d'accord. Il a un nez légèrement acide, mais dans l'ensemble, il m'a l'air assez équilibré. Oui, j'adore ces arômes. On dirait vraiment qu'on met le nez dans une ruche. C'est bien dit ça, quand on sait que le vigneron est assez apiculteur. Il ne faut pas hésiter à humer, reposer le verre, aérer le vin et regoûter. Vous allez voir, le vin change. Oui, il arrive néanmoins que des vins nature sentent des odeurs désagréables, comme la moisissure, l'écurie, le cuir ou des odeurs animales. C'est les Brettanomyces, plus communément appelés les Bretts, qui sont des levures connues pour être à l'origine de la majorité de ces odeurs. Leur présence se caractérise par une augmentation de la teneur en phénol volatile à l'origine du goût de Brett. C'est un défaut majeur qui entraîne une sérieuse perte de qualité. Il ne faut pas la confondre avec les odeurs de réduction dues à un manque d'oxygène dans le vin. Enfin, le goût de bouchon est l'un des défauts les plus courants des vins et se traduit par une odeur de liège prononcée ou de moisi. Mais dans notre cas, aucun problème au nez. Il est merveilleusement fruité. Allons goûter ce pur jus. C'est délicieux ce mélange de muscat petit grain et de muscat d'Alexandrie. C'est légèrement pétillant en bouche. Vous sentez ces petites bulles sur votre langue? Oui, les vins nature peuvent être un peu pétillants, car il reste du gaz carbonique issu de la fermentation. Il ne faut pas oublier que c'est un vin vivant. Il est possible aussi que certains vignerons décident d'ajouter du CO2 lors de la mise en bouteille pour protéger le vin de l'oxydation et ainsi éviter de mettre du soufre. Après, si vraiment les bulles vous dérangent, n'hésitez pas à le mettre en carafe ou à le laisser s'aérer. Il n'en sera que meilleur. Oui, tout à fait. Le contact avec l'oxygène développe de manière générale les arômes du vin. Le passage en carafe est presque primordial pour des vins jeunes ou tanniques. Il est conseillé de les laisser s'aérer 1 à 2 heures si vous avez le temps. Mais si vous êtes pressé ou si vous avez soif, vous pouvez secouer vigoureusement la carafe. Pour les autres vins, ouvrir simplement la bouteille quelques heures avant la dégustation devrait suffire. Et est-ce que vous sentez autre chose? Parce que moi, pour moi en tout cas, il est frais, léger. Je trouve que le fruit, il est bien présent. Oui, je suis vraiment d'accord. J'ai l'impression de boire un jus de fruit. C'est trompeur. Par contre, je sens un léger arrière-goût particulier que je ne saurais qualifier. Et oui, on l'appelle le goût souris. C'est un défaut encore mystérieux qui se manifesterait lorsque le pH augmente et a faible taux de dioxyde de soufre dans le vin. Ces conditions sont propices au développement des Bretts, qui seraient également responsables de ce fameux goût. Blanc ou rouge, tous les vins peuvent présenter ce défaut, mais il est vrai que ce sont les vins nature qui y sont le plus exposés. Curieusement, je ne le trouve pas si désagréable ce goût de souris, mais je comprends que ça puisse perturber les consommateurs. C'est vrai que tout dépend de la personne. On peut détester, adorer ou même y être insensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce défaut est passager. Ce qui veut dire qu'après plusieurs heures, le goût peut disparaître. Ou encore qu'après 6 mois, une bouteille issue de la même cuvée peut être magnifique. Oui. En général, ces défauts sont peu présents, du moins peu gênants. En tout cas, pour éviter cela au maximum, il faut le conserver à moins de 15 degrés et ne pas hésiter à le mettre 30 minutes au frigo avant de le servir. On vous transmet ici l'avis d'un consommateur qu'on a interviewé à la sortie d'une cave à vin, une bouteille à la main. La dégustation, j'aime pas qu'on retrouve toujours un petit peu ce goût qu'ont certains qui sont un peu passés ou brettés, comme disent des gens qui s'y connaissent plus que moi. Mais autrement, quand j'en bois des bons, j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression de boire du jus de fruits. Je vois pas des vins qui sont pas trop lourds, pas trop chaud, des vins très digestes, très agréables, mais donc quand j'en trouve des bons, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup me retrouver à boire du fruit, c'est souvent moins alcoolisé, c'est plus des vins qui sont sur le bois, donc tant mieux, voilà, je me régale à boire des vins plus légers. Voilà, tout est dit. La vérité est au fond du verre et le meilleur moyen de se faire sa propre idée des vins nature est d'en déguster, bien entendu. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe aussi des bières en fermentation spontanée. Mais ce sera pour une autre fois. Oui, et pour revenir au vin, nous avons tous une sensibilité gustative différente, ce qui fait qu'il y en a pour tous les goûts. Des blancs, des rouges, des rosés, et même des pétillants naturels, appelés aussi des pet-nats. D'ailleurs, comment on fait un pet-nat ? Alors, on met le vin en bouteille avant qu'il ait fini sa fermentation. Donc, il reste encore des sucres que les levures vont grignoter. Et c'est ça qui crée le pétillement. C'est une technique différente des vins pétillants, comme le champagne ou le lambrusco, dans lesquels du sucre est rajouté à la mise en bouteille pour réaliser une deuxième fermentation. À l'ouverture, il faudra expulser de dépôt. On appelle cela dégorger. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle un stage que j'ai réalisé chez un producteur en Californie. À chaque fois qu'on ouvrait un lambrusco, la mousse sortait très vite de la bouteille. Aussi, il fallait l'ouvrir tête à l'envers dans une cuve d'eau froide et vite la retourner pour ne pas tout perdre. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance du collectif près de San Francisco qui était en train de se former autour du vin nature. Il y avait un bel esprit d'entraide et de partage. Les cavistes organisaient à la fois des événements de rencontres, mais aussi s'essayaient à la production de cuvées. J'ai passé mon stage dans une cave assez unique, car il s'agissait d'un entrepôt que mon maître de stage partage avec 5 vignerons. C'est une toute autre organisation qu'un château avec ses vignes autour. Là-bas, il fallait faire parfois 2 heures de route pour aller jusqu'aux vignes. Heureusement, on n'y allait pas tous les jours et je travaillais surtout sur les vinifications de Purity Wine, pour ceux qui s'intéressent. Mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, pas besoin d'aller jusqu'en Californie pour boire du bon vin nature. En effet, il existe une multitude de caves dans la région. Donc si vous habitez près de Toulouse, sachez que l'on retrouve de plus en plus de caves spécialisées en centre-ville. On peut citer par exemple le Temps des Vendanges, le Volcan ou encore le Tire-Bouchon. Dirigez-vous simplement auprès des cavistes, car vous n'en trouverez pas en supermarché. Ou alors, renseignez-vous sur des salons de vin nature près de chez vous et partez à la rencontre des artistes vignerons qui seront ravis d'échanger avec vous sur leur philosophie et savoir-faire. On peut citer le Salon du Cirque des Vins Nature à Toulouse ou encore le Salon Indigène à Perpignan. Il existe aussi un grand rassemblement international des vignerons naturels lors du Salon de la Dive à Saumur. Cet événement montre bien l'importance et la dynamique de ce mouvement dans le monde entier. Ça donne envie. En espérant que d'ici là, les restrictions liées à la crise sanitaire mondiale seront levées. Mais en attendant, il est toujours possible de le commander, de commander du vin directement aux vignerons et de se faire livrer. D'ailleurs, pour rechercher des vins nature et des vignerons, vous pouvez le faire grâce à une application qui s'appelle Raisin, sur laquelle plus de 1500 vignerons du monde entier sont répertoriés, mais aussi plus de 3500 cavistes, restaurants et bars. Elle vous permettra aussi de ne pas louper une dégustation, un film, un livre ou encore un salon consacré au vin naturel. C'est super tout ça. Je sens que je vais vite programmer mon prochain voyage gustatif depuis mon canapé. Et question prix, ça donne quoi ? Parce qu'en tant qu'étudiant, le budget est limité. Et comme il y en a pour tous les goûts, il y en a aussi pour tous les prix. Pour une bouteille de bonne qualité en général, il faut compter entre 10 et 15 euros, mais parfois, il peut y en avoir un moindre coût. En tout cas, c'est important de s'offrir des plaisirs dans la vie de temps en temps. Oh oui, accompagné d'un bon pain et un fromage artisanal et local. Oh, quelle chance d'habiter en France. En résumé, si vous aimez l'aventure et la surprise, sentez et goûtez des vins nature. Vous ne serez pas déçus. On espère que vous avez apprécié ce voyage à la découverte des vins nature avec nous. En tout cas, on a été ravis de partager cette première expérience radio avec vous. C'était la 5e et avant-dernière émission d'AgroJécoute. Dans la prochaine, 4 autres étudiants aborderont avec vous le sujet du recyclage. Ne la loupez pas. Nous tenons aussi à remercier les partenaires de ce projet, l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse, la région Occitanie. Les titres diffusés pendant les intermèdes musicaux étaient issus de l'album Labour of Love de UB40 et de l'album En cours de création de Mathilda. N'hésitez pas à écouter de nouveau nos émissions en podcast sur le site de Campus FM de Toulouse et à jeter un coup d'œil sur le net ou sur les liens disponibles dans les commentaires du podcast. Bonne dégustation à tous! C'était AgroJécoute, une émission préparée par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale de Toulouse.